Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 34, avec Mathieu toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Toujours sans Antoine, mais qui nous rejoindra peut-être en cours de route. Là, il a encore eu un pépin de dernière minute. Et puis cette semaine, nous avons un invité en la personne de Marc Montangero. Marc, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Magnifique, bienvenue. Bienvenue. Alors, Marc est l'auteur, animateur, concepteur, je crois, mais enfin, il va nous confirmer tout ça dans quelques instants, d'un site web dont nous avions déjà parlé dans Podcast Science. C'est la Chimie pour les nuls, qu'on trouve sur chimie.ch/nul, NULS. Et il présente chaque semaine, je crois que c'est pour fêter l'année de la chimie, il présente chaque semaine une petite vidéo super bien faite. Sur un concept en chimie. Donc c'est vraiment de la vulgarisation extrêmement efficace. Et puis il a accepté de venir répondre à nos questions. Donc c'est vraiment super, on est très content. Alors Marc, tu peux peut-être préciser un petit peu. Donc c'est bel et bien pour célébrer l'année de la chimie, c'est ça? On est en 2011. Absolument, c'est l'année internationale de la chimie. Alors j'ai eu envie de promouvoir un peu la chimie pour le grand public, pour montrer à tout le monde ce que ça peut aussi être, pas seulement les côtés négatifs qu'on rencontre souvent dans les journaux, dans les médias, mais aussi des choses qui sont un peu plus attractives, un peu plus proches de notre quotidien. D'accord. Et, effectivement. Et puis donc sur la forme, c'est quoi? C'est des vidéos qui durent. 2 minutes, alors environ. Le but, c'est de démontrer une expérience que les gens peuvent réaliser chez eux avec des produits qu'on achète dans le commerce, donc des produits tout à fait standards comme du vinaigre ou bien du bicarbonate. Et en faisant ces expériences, ils vont pouvoir découvrir quelques facettes de la chimie et puis s'amuser. D'accord. Tu Et puis, ouais. excuse-moi, Pardon. tu es enseignant en chimie, professeur de chimie, c'est ça? Oui, au gymnase de Morges. Au gymnase de Morges. Donc, tu as des élèves, pour les Français qui nous écoutent, c'est des élèves qui ont l'âge plus ou moins entre 14 et 18 ans, ou quelque chose comme ça, 15 et 18 ans. Ouais, on va dire 16-20 ans, donc 16-20 c'est ans. la préparation à la maturité Pour ouais, ce qu'on accéder à appelle l'université, au au bac. baccalauréat pour les Français, ouais. Ouais. Voilà. Ce qu'on appelle gymnase dans le canton de Vaud, c'est ce qu'on appelle collège à Genève, c'est ce qu'on appelle lycée dans le reste de la francophonie. C'est un peu compliqué chez nous quand même. Ok, et puis ouais, l'air de rien, avec des explications à la portée de tous, tu arrives à expliquer des processus très complexes en partant d'exemples extrêmement simples. Moi, je trouve l'exercice de vulgarisation extrêmement réussi, je trouve ça même magistral. Alors, on va peut-être commencer à te poser quelques questions. La première qui nous vient à l'esprit, c'est comment t'es venue l'idée? Alors, c'est à l'occasion de l'année internationale de la chimie. Je me suis demandé ce que l'on pouvait faire. Et puis, au fur et à mesure de mes réflexions, je me suis dit, bon, il faut montrer de la chimie avant tout, mais il faut que ce soit facile. Donc, il faut que le grand public puisse comprendre, puisse suivre. D'où l'idée de réaliser des expériences qu'on fait chez soi avec des produits ménagers courants. Et puis petit à petit, j'en suis arrivé à l'idée de faire une vidéo pour montrer l'expérience, parce que juste l'expliquer en texte sur un blog, c'est pas très attractif et puis c'est pas très parlant. Donc, je me suis dit qu'en alliant l'image, le son et puis les explications, eh bien, le public pourrait mieux comprendre et mieux voir ce que ça peut bien donner. D'accord. C'est un projet complètement personnel ou vous étiez plusieurs derrière cette idée au départ? Non, alors c'est complètement personnel, Et tu fais absolument tout seul. oui. Ça doit te prendre des heures et des heures par semaine, non? Oui. Oui, alors le tournage d'un épisode me prend à peu près entre 6 et 10 heures. Ça dépend de la difficulté de l'expérience, principalement pour les tests qu'il faut effectuer avant, pour qu'il y ait les bonnes quantités, que ça marche rapidement, pour que ce soit visuel. Donc, on va faire les tests aussi pour la prise d'image. Donc, c'est principalement les tests qui me prennent beaucoup de temps. Et puis après, le tournage me prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie, une fois que tout est prêt. Et tu prépares une sorte de scénario avant, comment tu t'y prends? Oui. Ouais. Alors, pour commencer, je prends mon sujet. Une fois que j'ai déterminé mon sujet, je vais me renseigner sur le sujet pour être sûr que je ne vais pas dire trop de bêtises. Et puis, ensuite de ça, j'écris un scénario. Donc j'écris vraiment toutes les phrases que je vais dire dans la vidéo. En parallèle, je réalise les expériences parce que souvent, on se dit, ah bah tiens, oui, il faudrait que je dise ça. Alors, on l'écrit dans le scénario, puis après, on renaissait l'expérience pour se dire, bah non, finalement, ça marche mieux en faisant comme ça. Donc, on modifie un tout petit peu. En parallèle, j'écris le scénario et je réalise les tests. Et puis, une fois que le scénario est finalisé, ben je tourne donc toutes les séquences. Et puis après, je réalise le montage et puis je le mets en ligne. Ok. Et le montage doit aussi prendre pas mal de temps, j'imagine. Oui et non. Alors, le montage en soi, ça prend à peu près 1 heure pour juste mettre les scènes, donc sélectionner les bonnes prises. Et puis les coller les unes à côté des autres. Après, c'est quand il y a des petites incrustations supplémentaires, donc quand il y a des animations, des textes, des choses comme ça, où là on rajoute de nouveau un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, suivant la difficulté. Ouais, d'accord. Donc c'est bien ce qu'on soupçonnait l'une dans l'autre. Produire 2 minutes à 2 minutes et demie de vidéo par semaine, ça prend juste un temps fou, quoi. Absolument, oui. Peut-être juste pour nos poditeurs, juste leur donner deux, trois exemples de vidéos que tu as fait pour qu'ils prennent un peu conscience. J'en ai regardé quelques-unes là encore avant l'émission. Tu en as fait une sur l'encre invisible, par exemple. Donc là, on utilise. Alors, Oui. oui, donc c'est celle de cette semaine. Donc le concept est connu depuis longtemps. Donc, par exemple, de prendre du jus de citron, d'écrire un texte, et puis après on peut le révéler avec une flamme de bougie. L'idée était de montrer que, d'une part, d'expliquer comment ça marche, et d'autre part, de montrer qu'on peut le faire aussi avec autre chose que du citron, et puis avec autre chose qu'une bougie, parce que mine de rien, mettre le papier par-dessus une bougie, je l'ai essayé, c'est bien sympa, mais c'est assez difficile à reproduire sans brûler le papier, ou sans, en tout cas, le brunir. Et puis, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent l'émission, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus sage de mettre un papier dans un four plutôt que de passer la bougie dessous. Et en plus, le résultat est beaucoup plus spectaculaire. Alors, d'une part pour le film, mais aussi pour celui qui va le faire chez soi, parce que le texte apparaît un peu comme par magie en quelques secondes, plutôt que d'apparaître au millimètre par Ouais. millimètre en déplaçant la bougie. Et donc, juste pour le phénomène, c'était la libération de carbone qui fait que ça noircit, que l'encre à la Voilà, base transparente se noircit en séchant, c'est ça? exactement. Donc la chaleur dégagée va casser toutes les molécules organiques, c'est-à-dire les molécules qui contiennent des atomes de carbone, et ça va donc produire du carbone à l'état pur, c'est-à-dire du charbon finalement. Ouais. Donc, Charbon est noir, donc va apparaître sur le papier. voilà. Ouais, donc ça c'est très bien parce que c'est expliqué dans une petite vidéo de 2 minutes, 2 minutes et demie. Puis on trouve des autres thèmes comme l'effervescence, la composition de l'air, enfin tout plein de sujets vraiment amusants à voir et à comprendre comment ça fonctionne. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'œuf mou. Oui. Ouais, c'est épatant. Comment Alors, débarrasser un œuf de sa coquille chimiquement? effectivement, chimiquement, Exactement. et sans le cuire, donc effectivement, donc on peut dissoudre la coquille de l'œuf en la mettant simplement dans du vinaigre. Et puis de cette manière-là, on obtient un œuf mou, mais qui est vraiment mou et qui n'est pas du tout cuit, ce qui fait que si on tape un petit peu trop fort dessus, il s'éclate. Et comment est-ce que tu choisis tes sujets? Alors, j'ai fait mon choix de sujet déjà l'année passée. Donc, j'ai sélectionné les 52 petites expériences qu'il me fallait pour l'année, pour être sûr que j'aurais de quoi tenir l'année. Et puis, après, je les ai classées. Donc, j'ai décidé de couper l'année en 4 saisons. D'une part, pour faire un petit peu comme toutes ces séries télévisées qui marche très bien. Puis d'autre part, c'est surtout pour éviter qu'il y ait 52 une liste de 52 épisodes sur le site, donc pour faire un petit peu plus propre et que ce soit un petit peu moins long. Et puis ça permet aussi en faisant plusieurs saisons de faire des petits extras quand on arrive soit en début soit en fin de saison. Donc, par exemple, pour la fin de la première saison, j'ai lancé un concours où je montrais un phénomène chimique et c'était au public d'expliquer comment ça marche. Ah, Alors, excellent. Ouais, j'avais loupé ça. Ouais, c'est bien. Et puis ils s'en sont oui. sortis. Alors, oui, très bien. Et c'était vraiment remarquable. En fait, le concours était sur une période très courte. Donc, le samedi, la vidéo était postée et le concours était jusqu'à mercredi. Ah, d'accord. Le but, c'était de pouvoir, enfin, de motiver un peu les gens qui regardent rapidement, je dirais, les épisodes. Et puis, l'expérience, c'était donc une fusée sans feu, la traditionnelle bouteille en PET, dans laquelle on va faire un mélange de bicarbonate et de vinaigre, qui produit du gaz carbonique et qui fait sauter le bouchon, et puis ça permet de faire décoller la bouteille à une dizaine de mètres de hauteur. Alors, évidemment, le but, c'était pas que les gens devinent ou que les gens ne puissent répondre que s'ils étaient chimistes. Donc, c'est un phénomène qui avait déjà été expliqué dans une vidéo précédente. Justement, vous en parliez avant, donc la vidéo de l'effervescence. Donc, voilà, le but, c'était de voir un petit peu si les gens arrivaient à faire le lien. Et j'étais très content parce qu'il y a même du. Qui donnait une explication qui était franchement excellente pour leur âge. Ouais, c'est formidable. Et ils ont répondu comment? Il y avait un formulaire sur le Alors, il y site? avait un formulaire en ligne, exactement. Ouais. On ne peut plus voir leurs réponses aujourd'hui ou bien elles sont publiées quelque Bon, alors, part. non, je ne publie pas les réponses, donc je D'accord. préserve l'anonymat des gens. Et en fait, ton initiative, elle s'adresse au grand public, Absolument. Alors. pas forcément à tes élèves. Alors, pas du tout. À l'origine, c'est pas du tout mon idée. L'idée, c'était vraiment de partager ma passion pour la chimie avec monsieur et madame tout le monde. Alors, évidemment que mes élèves et les chimistes sont les bienvenus sur mon site, mais ce n'est pas prévu pour eux spécialement. Ceci dit, pour pouvoir leur donner un petit sucre pour ceux qui en veulent un peu plus. Donc la vidéo est très vulgarisée. Donc en principe, des enfants de 8-10 ans peuvent comprendre ce que je raconte comme explication dans les films. Par contre, sur la page web en dessous du film, je mets une explication qui, elle, est destinée plutôt à des élèves qui ont suivi des cours de chimie de base. Ouais, avec deux, trois Donc formules chimiques, ouais, on voit, ouais. voilà, donc juste. Très simple, mais juste pour leur montrer que ce que je raconte, bah, c'est quand même en lien avec ce qu'ils voient dans leur cours. Mais tes élèves, ils regardent tes vidéos, ils t'en ont parlé, ou tu sais Oui, de. alors certains m'en ont parlé, il y en a qui regardent, et puis ceux qui ne m'en parlent pas, évidemment, bah, je ne peux pas le savoir. Ouais. Mais il y a effectivement pas mal d'élèves quand même qui me disent, ah ouais, j'ai vu telle expérience, ah, bah tiens, je l'ai refaite. Ah Il ouais, y en a c'est bien. même deux qui ont participé au concours, donc ça veut dire qu'ils avaient vu l'expérience entre le samedi et le mercredi et qui ont pris le temps de répondre. Et puis c'est assez drôle parce qu'il y en a un qui me dit, Monsieur, j'ai le droit de participer au concours. Je dis, mais bien Excellent. sûr, vous avez le droit comme tout le monde, donc il n'y a pas de restriction. Ok. Et tes collègues professeurs aussi, ils sont un peu au courant ou... Alors, moi, je les ai avertis de mon initiative. En fait, déjà à partir de la moitié de décembre, donc juste avant que ce soit lancé, je leur ai parlé de mon initiative et puis je leur ai donné le lien du site. Et puis, il y a à nouveau des collègues qui m'ont tout de suite répondu pour me dire c'est génial et tout. On est vachement content. Et puis, y en a qui ne disent rien. Donc, à nouveau, là, je ne peux pas savoir si c'est parce qu'ils n'osent pas me dire quoi que ce soit ou si c'est parce qu'ils trouvent que ce n'est pas tout à fait à leur goût. Alors, ça, je ne peux pas le savoir. En tout cas, ceux qui me le disent, n'hésitent pas à me le dire et même à me le redire. Donc, D'accord. Bah, tant et mieux. est-ce que. Tant mieux. Bah ouais. Est-ce que tu sais combien de visiteurs consultent les vidéos et combien de visiteurs par vidéo? Oui, alors là, on est un petit peu plus de 90 000 visites. Donc 90 000, 90 000 pour nos amis Voilà, français, c'est 90 000 pour les amis français, effectivement. ça, c'est tout, toute vidéo confondue. Il y a eu 90 000 visiteurs sur le site jusqu'à maintenant. Voilà, et donc, puisque à l'heure actuelle, il y a 16 vidéos, donc ça fait à peu près 5 000, on va dire, en moyenne. Oh, sacrée audience, Ouais, hein. c'est un bon chiffre. Ouais. Oui, alors je suis, comme on dit chez nous, déçu en bien. Tu t'y attendais pas. Non, pas du tout. Alors. C'est vrai qu'avec ce genre d'initiative, de toute façon, on n'a pas de point de comparaison. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre au départ. Effectivement. Ouais. Et Mathieu, tu avais une question à propos de YouTube? Oui, pourquoi? En fait, visiblement, tes vidéos sont pas sur YouTube, elles sont directement incrustées sur ton site. Une raison à cela ou... Oui, il y a une raison, c'est la volonté de ma part de vouloir maîtriser le contenu. Si on poste une vidéo sur YouTube, elle appartient à YouTube. On peut plus du tout gérer ce qui se passe derrière. On peut plus gérer les liens qui vont être ajoutés par derrière ou les vidéos qui nous suggèrent après avoir vu une vidéo. Je Ah voulais oui, éviter ça. d'accord. Mais d'un autre côté, tu obtiendrais quand même pas mal plus d'audience, j'imagine, si tu étais sur YouTube. Alors, j'imagine aussi, oui, effectivement, c'est un choix. Ouais. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On verra si en cours de route, je change d'avis ou si peut-être à la fin de l'année, une fois que l'année internationale est Toutes les passée, si à publier. ce moment-là, et que tout est publié, si à ce moment-là, je décide de les mettre sur YouTube. Ouais. D'accord. C'est pour les mêmes raisons en fait qu'on peut pas partager ou commenter les vidéos aujourd'hui, c'est parce que tu veux garder la Alors, maîtrise. non, alors là, c'est différent, c'est que ben, sitôt qu'on laisse la possibilité aux gens de s'exprimer sur une vidéo, il faut un certain suivi pour éviter qu'il y ait des choses pas très correctes qui circulent sur le site. Et donc, il faut pouvoir suivre derrière. Et puis, alors, ça, j'ai absolument pas le temps de le faire vu que je suis tout seul. Je voulais pas m'investir là-dedans. Ouais, ce qu'on peut comprendre, c'est vrai que ouais, s'ouvrir au dialogue, c'est super cool, mais derrière, effectivement, il faut pouvoir suivre, quoi. Voilà, alors par contre, bah, évidemment que les personnes qui m'écrivent un email, bah, je leur réponds. Donc, ça, je suis un point d'honneur à répondre à tout le monde, mais je veux pas m'amuser à devoir gérer un forum, etc. Ok, sinon dans nos questions, on se demandait si en tant que prof de chimie, tu enseignes la chimie comme tu la démontres dans les vidéos. Alors, oui et non. En fait, oui, dans le sens où j'essaie toujours de montrer à mes élèves que le sujet qu'on est en train de voir en cours, ça a un lien direct dans leur quotidien. D'accord, que c'est pas Leur juste de montrer la que c'est théorie en fait. utile, exactement. Donc, leur montrer que c'est utile et qu'en fait, on l'utilise sans s'en rendre compte. Non, dans le sens où on n'a pas le temps de faire 2000 expériences pendant les cours de chimie. Donc, on n'arrive pas produire des expériences en permanence pour tous les petits sujets qu'on va traiter. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des deux. Et puis, où je dirais non aussi, c'est que je ne vais pas forcément vulgariser quand j'enseigne. J'essaye toujours de garder des images simples. Donc, je fais une petite partie de vulgarisation pour qu'ils gardent en tête une image simple et que ça leur permette de se raccrocher sitôt que la théorie commence à devenir un petit peu plus ardue. Ouais, c'est pas une mauvaise idée ça, d'avoir une D'accord. base un peu de vulgarisation pour avoir quelque chose à quoi se raccrocher. C'est vrai que bonne idée. Bon, en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment le truc qui est très fort dans les vidéos, c'est de partir d'une problématique concrète, d'un problème de la vie de tous les jours, et puis d'expliquer derrière quels sont les processus chimiques, à la place de toujours partir du paradigme classique qui consiste à voilà, expliquer la théorie d'abord, alors qu'on ne sait pas encore très bien ce qu'on va en faire. Et puis, ouais, ça a ce côté, ça peut avoir ce côté rébarbatif, pour peu qu'on manque un peu d'imagination ou de perspective, ce qui doit quand même souvent être le cas, j'imagine, sur les bancs d'école où on pense à autre chose. Absolument. Ouais. Peut-être une autre question, un peu plus générale. Tes collègues enseignants, ils manipulent aussi les nouvelles technologies. Est-ce qu'ils ont des blogs où ils mettent des cours en ligne, où ils font du e-learning d'une manière ou d'une autre? Comment ça se passe un peu en Suisse romande? Alors, en Suisse romande, je ne connais pas beaucoup qui sont des accros de nouvelles technologies. J'en connais quelques-uns, mais c'est qui se comptent sur les doigts de la main. Parce que, par exemple, j'imagine que tu connais deux, trois autres profs de chimie aussi. Oui, alors. Eux, ils ont rien sur Internet. Alors, en fait, il y a une enseignante qui est très jeune dans l'enseignement. Elle a fait son travail de mémoire à l'EPFL sur le e-learning en chimie. Ah. Elle a créé sur le site de l'EPFL cours d'exercice en ligne pour les gymnasiens. Et alors tous les maîtres de chimie qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. D'accord. Alors je sais pas comment c'est utilisé, dans quelle proportion, ça je peux pas vous répondre. Mais autrement, à part elle, je ne connais Pas grand pas monde. spécialement de personnes qui utilisent les nouvelles technologies. Je dirais à l'exception d'une autre collègue qui m'a demandé pour utiliser le même système que celui que j'utilise avec mes élèves. Elle l'utilise alors abondamment. Ouais. Donc c'est un système, c'est le même système en fait qu'à l'EPFL, c'est le système Moodle qui est une plateforme de e-learning gratuite. Ouais. Ouais, j'en ai entendu un peu parler, une sorte de gestionnaire de contenu pour des cours en ligne, non? Exactement, Ouais. oui. Professeur Fon? Ouais, alors moi une question un peu dans un autre registre. Bon, la chimie est évidemment une discipline extrêmement utile, mais elle a l'air d'être un peu difficile à vendre, entre guillemets, aux élèves. Ouais, comme si elle jouissait d'une réputation un peu difficile, quoi. Difficile à vendre aux élèves, alors même que tu démontres, pardon, à travers les vidéos que c'est au contraire une discipline absolument fascinante. Est-ce que tu partages cette impression quant à cette perception un peu erronée de la chimie? C'est ce désengouement, ce manque d'intérêt peut-être pour la discipline, et puis, cas échéant, à quoi est-ce que tu penses que ça puisse être dû? Alors, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. En fait, moi, j'ai jamais eu de difficulté à motiver les élèves, à les intéresser, à écouter le cours et à essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vrai que certains élèves rebutent. Pourquoi? Parce que la chimie, c'est très abstrait. Pas voir, et donc oui, on peut montrer des expériences, mais finalement, les atomes, les molécules, on va pas pouvoir les voir vraiment. Donc, il faut une certaine dose d'abstraction, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont trébucher sur cet obstacle-là. Par contre, avec le nombre d'exemples qu'on peut tirer de la vie quotidienne de chimie, on arrive sans problème à leur faire comprendre en quoi c'est une science qui est utile et en quoi cela les concerne directement. Et donc, finalement, ils vont essayer en tout cas de comprendre et c'est en essayant que certains vont lâcher prise, et ça c'est vrai, que certains vont complètement abandonner parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas du tout à comprendre les concepts de. Forcément que dès qu'on parle de particules atomiques, et ben ça devient très conceptuel. Et si on n'arrive pas à imaginer ceci, et ben on n'arrive plus rien à comprendre, en fait. Ouais, effectivement. Est-ce que tu connais d'autres initiatives comparables à la tienne pour rendre la chimie aussi attrayante? Parce que je maintiens, tu as quand même un style particulier qui la rend spécialement sexy. Oui, D'autres merci. initiatives, ouais, hormis évidemment l'excellent podcast vidéo de notre ami Antoine, notre troisième comparse qui n'est pas là, mais que tout le monde connaît déjà parmi les auditeurs de Podcast Science. T'as vu d'autres initiatives du genre? Alors, du genre directement, non, mais par contre, il existe des sites où on va pouvoir découvrir des vidéos d'expériences de chimie qui sont des expériences chimiques qu'on réalise en classe, c'est-à-dire avec des produits chimiques. OK. Ce qui fait que, où ça rejoint mon site, c'est qu'on peut voir des expériences de chimie. Où c'est différent, c'est que, un, c'est pas vulgarisé, et deux, c'est pas réalisable par les gens chez eux. Ouais, toi, tu mets surtout l'accent sur le fait que les gens peuvent réaliser ces expériences avec des produits maison, entre guillemets. Exactement, parce que la chimie, c'est une science expérimentale. Alors, il y a des concepts à imaginer, à comprendre, mais il faut aussi mettre la main à la pâte. Et lorsqu'on donne des cours, on a une partie de cours, à peu près 2/3, et puis une partie de travaux pratiques. Et les travaux pratiques, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce qui fait que j'espère et je souhaite que beaucoup des gens qui regardent mes vidéos essayent de réaliser les expériences. Alors, certains ne font pas forcément toutes les expériences, mais en tout cas qu'ils en essayent une ou deux pour qu'ils se rendent compte que finalement la science, ce n'est pas que des choses un petit peu farfelues, mais ça peut être aussi s'amuser, ça peut être aussi découvrir un phénomène surprenant, ça peut être aussi partager un moment convivial avec quelqu'un d'autre en réalisant une expérience ensemble. Ouais, ce que j'aime bien surtout, c'est que les personnes qui ont envie de réaliser ces expériences, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des produits chimiques particuliers dans un magasin qui se trouve à 10 km. Ils peuvent faire ça avec des fruits, des légumes, des aliments qu'ils ont chez Voilà. eux. Donc, Oui, c'est beaucoup et plus d'autant accessible. plus, c'est plus accessible, d'autant plus que, en tout cas en Suisse, la plupart des produits chimiques sont interdits à la vente. On peut en trouver quelques-uns en droguerie, mais en général, il faut encore expliquer aux droguistes ce qu'on veut faire, etc. Donc là, ça pose quelques difficultés. Pour nos amis de France voisine qui nous écoutent, chez eux, c'est déjà un petit peu plus facile d'obtenir des produits, puisqu'en supermarché, on peut acheter de la soude caustique, on peut acheter de l'acide sulfurique. Ah ouais? Moi, ça, ouais, je trouve ça affolant. On a une bouteille d'un litre comme ça. Donc, y a les produits de nettoyage. Alors, moi, je trouve ça affolant en tant que chimiste, mais apparemment, pour eux, c'est tout à fait normal. Et puis, je sais qu'aux États-Unis, c'est encore pire, puisqu'on trouve quasiment tout dans les supermarchés. Puis, il n'y a besoin d'aucune autorisation pour acheter tel ou tel produit. Même pas de port d'armes pour la soude caustique. Ouais, c'est à peu près ça. Non, alors. Pour certaines utilisations, on peut encore discuter, mais c'est vrai que une mauvaise utilisation peut être dangereuse. C'est pour ça qu'en Suisse, en tout cas, on évite de vendre n'importe quoi, n'importe qui. Bon, en l'occurrence, avec un peu de vinaigre, une feuille de papier d'alu. Un peu de sel et de bicarbonate de soude, on arrive à faire au moins la moitié des expériences que tu proposes. Absolument, oui. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler samedi prochain? Oui, donc en fait, j'ai toutes les expériences qui sont déjà planifiées, je les ai triées, donc je sais D'accord, exactement donc tu sais dans ce quel que je vais ordre jusqu'à la faire. fin de l'année? Voilà, en me réservant quand même en deux jokers, si jamais tout à coup j'ai une lubie, puis j'hésite au changement. Mais alors, d'une part, j'ai tout planifié mon année, puis d'autre part, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis de dernière minute. Ou je sais pas, ça peut être tout simplement que je tombe malade une semaine ou autre. J'ai des expériences en avance, donc j'ai à peu près 6 semaines d'avance, ce qui fait que, évidemment, que la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, je sais de quoi je vais vous parler. Ce sera en fait le phénomène de savoir ce qui se passe quand on met du sel sur la glace, sur les routes. D'accord. Excellent. Pour Ouais. évidemment un petit peu détourner, donc ça vient tout à la fin. Puis en fait, avant, je montre une expérience qui utilise le même phénomène, mais qui est un petit peu plus facile à réaliser chez soi. Donc c'est pour dégeler les routes, non? C'est dans ce Voilà, par cadre-là. exemple, Dans ce pour cadre. dégeler, exactement. D'accord. Ouais. Magnifique. 6 semaines d'avance, moi ça m'épate. J'aimerais bien avoir le même Ouais, degré sur peu de cas d'organisation. science, on n'est pas comme ça, hein. On est un Non, peu. non, on a plutôt 3 semaines de retard. Non, c'est pas tant, du coup tu peux prendre des vacances alors. Il faut préparer les autres. J'aime bien garder mon avance. Donc, au fur et à mesure que D'accord, je vais. donc il faut 8 semaines, 9 semaines d'avance pour avoir le droit de prendre 15 jours de vacances. C'est à peu près ça. Ah, ça, c'est des standards de qualité, ouais, qu'on connaît pas chez nous malheureusement, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Et tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine, tu vas t'embêter, ce sera l'année internationale des coopératives et de l'énergie durable pour tous. Alors, je vais peut-être faire quelque chose là-dedans, non, je ne sais pas. A priori, j'aurais tendance à dire il faudrait que je me repose un peu, mais je ne crois pas que je vais réussir, j'aurais envie de faire autre chose. Donc, je n'ai pas encore planifié mon année prochaine. J'aurai en tout cas 6 semaines, mais j'espère plus à la fin de l'année pour pouvoir Pour souffler, décider de ce que je veux décompresser. faire, de ce que je veux faire l'année d'après. Donc, j'ai déjà quelques idées qui vont un peu dans tous les sens. Il faudra quand même que je me décide une fois. Mais ça va certainement tourner autour de la chimie et autour de publications ou autour de. Donc, j'ai envie De continuer un d'écrire peu un. à écrire. De continuer, ouais. Donc, de continuer en fait, donc d'écrire un nouveau livre, d'écrire un livre avec collaboration avec deux autres collègues qui sera lui plutôt tourné grand public, justement. Et puis, autrement, ben, continuer dans les vidéos, parce que c'est sympa. Donc, on verra ce que je vais faire. Bon ben. D'accord. T'as dit écrire un nouveau livre, ça veut dire que tu en as déjà écrit un? Oui, donc j'ai écrit un livre, c'est-à-dire le cours que je donne à mes élèves. Ben, j'ai tout rassemblé dans un seul tome qui donne quand même un pavé de 376 pages. Ah ouais. C'est pour ça que je l'appelle quand même livre. Ouais, effectivement, 376 pages, ça s'appelle un livre. Il n'y a pas photo. D'accord, donc il s'adresse spécifiquement à tes étudiants, ce livre, c'est pas Absolument. destiné au grand public. Non, pas du tout. Non. D'accord, pas la peine qu'on donne les références alors. Non, non, non, non. Alors, c'est vraiment pour la préparation au baccalauréat. D'accord. On arrive gentiment au terme de l'interview. On avait encore une ou deux petites questions. Mathieu, je crois que tu en as une. Oui, ben, vu que tu es avec nous, qu'on a un chimiste avec nous, je voulais profiter pour poser une petite question de chimie. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer simplement en quelques mots la différence entre un acide et une base? Alors, un acide, alors bon, je vais commencer brutalement par la définition chimique. Donc, un acide, c'est ce qu'on appelle un donneur de ion H+. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va pouvoir donner à quelqu'un d'autre un ion H+, et le quelqu'un d'autre, c'est justement la base qui elle Quand va on dit, recevoir ce ion H+. quand tu dis ion H+, donc c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron, c'est ça? Exactement, ce qui fait qu'en l'occurrence, il reste plus que le noyau de l'hydrogène puisqu'il a qu'un seul Qu'un électron. électron, d'accord. Donc c'est un acide donne un noyau d'hydrogène à une base. Voilà. D'accord. Et les caractéristiques, propriétés de l'un et de l'autre, en gros? Alors, ben les acides, ils sont piquants sur la langue, c'est pour ça qu'on les appelle acides. Hein. C'est les alchimistes qui trouvaient que donc ils avaient la mauvaise habitude de tout goûter quand ils voulaient décrire les substances. Ils avaient vu que les acides piquaient la langue, donc ils l'ont appelé acidus, c'est-à-dire piquant en latin. Donc ils sont piquants sur la langue, mais ne goûtez surtout pas les acides, sauf évidemment ben, du vinaigre, de l'acide citrique, donc du jus de citron ou comme ça. Vous allez vraiment, ou bien tout simplement une boisson gazeuse qui vous pique la langue. Ben, ce n'est pas les bulles qui piquent la langue, parce que le gaz, ça ne va pas du tout vous piquer la langue. C'est l'acide carbonique, c'est-à-dire le gaz carbonique dissous dans l'eau, qui va vous piquer la langue. Alors ça, c'est les propriétés gustatives des acides, mais les propriétés qui nous intéressent, c'est que ça va pouvoir attaquer certains métaux, par exemple, donc ça pourra dissoudre des substances. Les acides sont quelque peu corrosifs, donc il faut faire évidemment attention, mais ce n'est pas les pires, parce que les bases qui sont, elles, justement, contraire des acides, ben, elles sont aussi corrosives, mais beaucoup plus. Donc, par exemple, la soude caustique dont on parlait avant, c'est extrêmement corrosif. Il faut surtout pas en avoir dans les yeux parce qu'on peut perdre son œil très rapidement. Donc, en Et c'est quelques une dizaines de base, secondes. la soude Et ça, c'est caustique. une base, voilà, tout D'accord. à fait. Alors, les bases sont plutôt onctueuses, on dit. Donc, quand on les touche, on a un petit sentiment de un peu de savon, donc c'est un petit peu pas rigolo, mais on se dit, ah bah tiens, c'est bizarre comme sensation sur la peau. Bah, il faut vite se laver les mains et puis il n'y aura pas trop de séquelles. Autrement, bah, les bases et les acides ont comme propriété de se neutraliser quand on les mélange. Ce qui fait que si on met autant d'un acide que d'une base, eh bien, on obtient quelque chose qui est neutre. D'accord, et c'est d'où vient la définition du pH qui définit le taux d'acidité, d'une substance? Alors le pH, on va simplement déterminer la quantité de ions H+, justement les fameux ions H+ qui sont donnés par les acides qu'il y a dans la solution qu'on est en train de mesurer. Et puis c'est une échelle logarithmique. Donc c'est logarithmique en base 10. D'accord. Et donc plus le pH est élevé, si le pH est élevé, on a une base, et si le pH est faible, un acide, ou l'inverse? Oui, dans ce sens-là, parce que le pH, c'est moins le logarithme de la concentration ion H+. Donc, D'accord. plus le pH est élevé, moins il y a de H+, en fait. C'est-à-dire que plus c'est basique. Et donc c'est pour ça que quand on veut s'acheter un savon ou un gel douche, on essaye d'acheter des savons avec un pH neutre, justement pour pas qu'ils soient corrosifs du qui n'est pas la corrosivité, je sais pas si on dit corrosivité d'un Oui, acide ou d'une base, non, c'est ça? c'est surtout de la base, effectivement. Si on a du savon dans les yeux, ça va nous piquer les yeux. Pourquoi? Parce que le savon, il est généralement basique, dans un pH à peu près 10. Et puis, notre peau, et nos muqueuses sont à pH légèrement acide, à peu près à 5,5. Ah, Ce qui fait que ça fait une forte différence de pH entre les deux et ça nous pique les yeux. C'est pour ça que vous trouvez des savons dans le marché où ils sont écrits pH neutre pour la peau, puis c'est écrit soit neutre pour la peau, soit c'est écrit pH 5,5. Ben c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont effectivement adaptés pour ne pas piquer. d'accord. D'accord. C'est pas neutre en réalité, c'est Alors c'est pas adapté neutre. à l'acidité de la peau et des muqueuses de l'être Exactement. humain. Ah, Ouais. intéressant. Ok. Ok, alors toute dernière question. La biologie à son Richard Dawkins, la cosmologie à Brian Greene, la chimie à Marc Montangero, mais il n'a pas encore, il jouit pas encore à ma connaissance de cette réputation internationale. En attendant donc la consécration, est-ce que la chimie a à ta connaissance un ambassadeur, un vulgarisateur connu? Est-ce qu'il y a des auteurs qu'on peut suivre pour s'initier à la discipline, s'y intéresser et mieux la comprendre? Ben, je crois que poser la question, c'est déjà y répondre. Moi, j'en connais pas. Je ne connais pas de figure de proue qui soit internationalement connue. Mais il y a effectivement, si on regarde au niveau local, on va trouver en France quelques personnes qui sont connues et qui ont écrit quelques ouvrages, ou qui sont souvent cités dans des articles. On va retrouver aussi du côté du Canada une ou deux personnes, mais il y a en fait pas grand monde en termes de vulgarisateurs. Il y a effectivement des professeurs qui sont très connus pour leur côté pseudo-vulgarisateur, c'est-à-dire qui vulgarisent pour des universitaires de début de formation. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais des vulgarisateurs comme il y avait Hubert Reeves ou bien Albert Jacquard pour la physique et pour la biologie, ben, pour la chimie, moi je n'en ai jamais entendu parler et puis c'est effectivement dommage. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire l'année prochaine. La place est Bien de la prendre. volontiers. Alors, il n'y a plus qu'à faire beaucoup de publicité. Magnifique. Bah, écoute, nous, on a fait le tour des questions qu'on avait à te poser. Donc, on invite évidemment nos auditeurs à se précipiter sur le site. Tu peux nous rappeler l'adresse? chimie.ch/nul au pluriel. Magnifique. Bah, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de ton Ça me temps. fait plaisir. Et puis, bon, on se réjouit de te suivre. Et peut-être juste une toute petite dernière question. Si de temps en temps, on est un peu coincé sur la chimie dans Podcast Science, si on a besoin d'un conseil avisé, maintenant qu'on sait où te trouver, est-ce Bah, tu qu'on... m'envoies un email. Magnifique. Parfait. Super, merci bien en tout cas pour cette interview. Y a pas de quoi. Et bonne continuation avec ton site et à tes futures Ben, vidéos. merci, ben, à vous trois aussi, parce que ce que vous faites est également remarquable. Donc, Ben, continuez merci bien. aussi. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bientôt. À tout bientôt, au revoir. Au revoir. Professeur Fon, tu es toujours Je avec suis nous? toujours là. Ouais, toi aussi, magnifique, le hasard fait bien les choses. Alors, on voulait juste encore continuer un petit peu l'émission. On a, comme toujours, deux, trois news, un petit peu de papotage et deux, trois choses à dire. Ouais, effectivement. Alors tout d'abord, on relaie un message de François Hudréa qui nous indique, enfin qui invite tout le monde aux portes ouvertes à l'Observatoire de Lyon, qui, comme son nom l'indique, est à Saint-Genis-Laval. Ce sera l'humour de François. Ce sera le 6 mai. Et il y aura donc l'ouverture des coupoles de la lunette coudée, la plus ancienne d'Europe en état de marche, la découverte des ateliers du Kral, en particulier dans le domaine de la spectro, beaucoup de clubs estant observations diurnes et nocturnes sous réserve météo, évidemment. Donc ça se passe à Lyon le 6 mai. On n'en sait pas plus, je ne Non, sais pas pas à s'il faut Lyon, à s'inscrire. Saint-Genis-Laval, non? Ouais, exactement, enfin dans la région de Lyon. Voilà, bon, on ne sait pas s'il faut s'inscrire à l'avance ou pas. Enfin, si jamais, contactez-nous si vous avez des questions, on fera suivre à François. François Hudréa, bah, vous le trouvez dans les fans. De Podcast Science sur Facebook, si jamais c'est facile d'entrer en contact avec lui. Oui. Excuse-moi, je suis un petit peu enroué aujourd'hui. Moi, je voulais aussi revenir sur une petite nouvelle que nous a envoyée Thibault Lacroix. Il en a envoyé deux, en fait. La première, c'est, je sais pas si tu te rappelles, quand j'avais fait le dossier sur la matière noire, j'avais parlé d'un spectromètre magnétique qui allait être envoyé prochainement sur la station internationale pour mesurer les rayons cosmiques qui viennent de très très loin, essayer de détecter, voir si on n'arrive pas à détecter un peu de matière noire ou de particules exotiques. Alors, ce détecteur AMS, donc AMS c'est pour Alpha Magnetic Spectrometer, prendra son envol le 29 avril, donc tout tout bientôt, Ah ouais. à bord de la navette spatiale Endeavour. Et ben voilà, comme j'ai dit, il sera installé comme un module externe de la Station spatiale internationale, d'où il explorera l'univers et ses origines à la recherche de l'antimatière et de la matière noire. Et tout ceci avec une énorme précision. Donc ça, c'est ce que nous a envoyé Thibault Lacroix. Donc ça tombe bien, ça fait suite au dossier sur la matière noire. Et il nous dit aussi que durant la nuit du 21 et 22 avril, le grand collisionneur de hadrons au CERN, donc le LHC, vient d'établir un nouveau record du monde d'intensité de la luminosité du faisceau qui est utilisé. Et il nous envoie un lien vers un article, et dans cet article, on apprend que selon Rolf Höyer, directeur général du CERN, l'importance d'augmenter en fait cette intensité du faisceau, c'est la clé du succès du LHC, parce que plus l'intensité est élevée, plus il y a de données. Et plus on a de données, plus le potentiel de découverte est important. Alors, ça, c'est deux, trois petites choses que nous envoyait Thibault Lacroix. Une autre chose, témoignage, une expérience que nous témoigne Jérôme à propos du dossier de la semaine passée sur la synesthésie. Donc Jérôme est un synesthète et il nous a laissé un commentaire. Alors je vais citer, il nous parle un peu de son expérience de synesthète. Alors il nous dit la chose suivante. Je profite de l'occasion pour vous parler de mon expérience de synesthète qui chez moi prend la forme de timbre, couleur, forme, mouvement. Donc le timbre d'un son lui donne une expérience de couleur, de forme et de mouvement. Et il nous dit, je me dis synesthète, mais je ne me suis jamais fait scientifiquement contrôler en tant que tel. La description de la synesthésie correspond parfaitement à mon ressenti. Par exemple, un ensemble de voix est un ovale rouge au contour flou. Une guitare, un son clean et un filament bleu transparent. Le piano est une sphère laiteuse. La basse, un cylindre noir. La musique très compressée des radios FM, par exemple, me semble être au fond d'un puits noir en raison d'une exagération des basses fréquences. Mais aussi un autre phénomène du même ordre est que je ne peux m'empêcher de spatialiser la musique comme si je pouvais la voir d'un seul bloc. Ainsi, par exemple, un quatuor à cordes de Bartok ressemble, en plus de sa couleur, à un entrelacement hérissé d'épines. Bon, ça, je suis assez d'accord, même sans être synesthète, un quatuor de Bartok. Ouais, je connais C'est pas bien assez Bartok, mais épineux. un autre morceau qui s'appelle Tubular Bells de Michael Field est pour lui un paysage métallique en nuances de noir, gris et blanc, avec des plaines et vallées plus ou moins profondes, selon la durée des parties enchaînées. Wow. Et les paysages les plus saisissants pour lui sont ceux de la musique contemporaine et la musique acousmatique, où les formes se ramifient, s'étirent ou se contractent comme des êtres vivants. Et alors j'ai juste, je savais pas ce que c'était la musique acousmatique. Visiblement, c'est de la musique dans laquelle on cache à l'auditeur, on cache, on ne montre pas l'instrument ou le support qui crée la musique. D'accord. Les gens qui font de la musique acousmatique disent que lorsqu'un auditeur ne voit pas l'instrument ou le support qui crée la musique, ça lui donne beaucoup plus de liberté d'imagination et aussi de visualisation imaginaire. Alors bon. OK. Et pour terminer, il nous dit aussi, Jérôme, qu'il a découvert cette particularité tardivement. Il nous dit, je ne pensais pas que c'en était une avant de constater que personne autour de moi ne ressentait ces impressions et d'en avoir brièvement entendu parler à la radio. Je ne sais pas vraiment quand ça a commencé, si c'est arrivé progressivement ou non. Il faut dire que jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'écoutais aucune musique et je ne me souviens pas si d'autres sons provoquaient des visions. Il en profite aussi pour nous envoyer quelques liens. Il nous suggère un blog qui s'appelle Automate Intelligent. Donc c'est un site fait par Jean-Paul Bacchiast, où on parle d'avenir de l'humanité, cosmologie, philosophie, nouvelles sciences, mais pas pseudosciences, il nous précise, et les technologies sont discutées. Alors ce site, par exemple, Automate Intelligent, moi je le suivais pendant un temps, il y a quelques années, et je sais pas, il n'était plus tellement actualisé, il avait été un peu comme s'il semblait laissé à l'abandon, donc j'ai un peu moins suivi, mais c'est vrai qu'il y avait des articles dessus, alors super costaud, hein. Et presque trop costaud même, mais vachement, vachement intéressant. Ça parlait beaucoup aussi d'intelligence artificielle, de robotique du cerveau, comment le cerveau fonctionne, neurologie, tout ça. Un site très intéressant. Il nous envoie aussi un autre lien vers le blog de Aurélien Barraud, un astrophysicien cosmologiste spécialiste de la gravitation quantique, la boucle, et défenseur de l'idée du multivers. D'accord. Et pour être un peu plus ludique, il nous envoie aussi un lien vers le site de l'auteur de science-fiction le plus hard des auteurs de hard science, comme il nous dit, mais aussi le plus stimulant. Il s'agit du grand Greg Egan. Donc on mettra aussi le lien vers son site si vous êtes amateur de science-fiction. Alors, bah voilà pour ce que nous dit Jérôme. Bon, moi, je suis super content qu'un synesthète puisse partager son vécu de synesthète suite à notre dossier de la semaine passée. Moi, je suis super content. Ouais, c'est pas tant. Bon, il a eu beaucoup de succès ton dossier. On a eu plein de commentaires. Mais c'était plutôt des gens frustrés de ne pas pouvoir faire l'expérience. Là, effectivement, ce témoignage-là détonne un peu dans le paysage parce que c'est quelqu'un qui est concerné. Non, c'est excellent. En tout cas, merci Jérôme d'avoir pris le temps d'écrire. Ouais, merci à lui de nous partager tout ça. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis merci à tout le monde d'ailleurs en passant de toutes les réactions, encouragements, commentaires. Oui, d'ailleurs, le fait qu'on commence directement par les dossiers ou par le vif du sujet, aujourd'hui l'interview, visiblement contente pas mal de monde, hein. Ouais, je crois que c'était une très bonne idée. On... C'est confirmé manifestement par les auditeurs, donc c'est top, on est bien content. Ok, bah écoute, on arrive gentiment au bout. On serait même au bout si tu avais déjà fait ta quote, mais ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette fois-ci? À une côte de Sénèque, donc un peu philosophique, mais voilà, ça nous inspirera pour cette semaine. D'accord. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ah ouais, ça me plaît bien ça. Elle est bien, hein? Ouais, elle est excellente. Excellente. Donc voilà, Bah ouais, tout est dit. tout est dit, non, il n'y a rien à ajouter. Donc voilà, faut pas avoir peur des choses difficiles, faut se lancer. Exactement. Et quand on se lance, elles deviennent moins difficiles. Ouais. Bah, tu as même réussi à nous faire digérer la matière noire. Bientôt l'énergie noire, c'est Ouais, ça? alors là, je suis sur l'énergie noire, un vaste programme, un gros morceau, si ça se trouve, même plus gros morceau encore que la matière noire, parce qu'il y a deux, trois notions que je connais pas du tout et avec lesquelles j'essaye de me familiariser. Mais ouais, je pense d'ici 2 3 semaines, on aura quelque chose sur l'énergie noire. Ah, magnifique, Sénèque te connaissait bien. Excellent, Mathieu. Très Bon, on se bien. retrouve la semaine prochaine. Ouais, ok. Ok, parfait. Bah, d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. À tout À tout bientôt. bientôt, ciao. Ciao, ciao.